Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 13e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عليك كتاب. طيب أولا ما معنى أقدام pied au pluriel. Nam. Ma zuhur. Le dos. Le dos au pluriel. Hayawanat. Les animaux. Ta'b. Fatigue. Fatigue ou fatigué? Fatigue. Fatigue. Taqaddama ya taqaddamu. Avancer. Ça. S'avancer. S'avancer. Le fait de, d'avancer de l'ordre. Et dans le texte, c'est quoi? Dans le texte, c'est. Dans le texte. Taqaddamat wasa'il as-safar. Quoi qu'il veut dire par là? Ils ont évolué. Naam. Akhadha ya'khudhu. Prendre. Bariya. Terrestre. Bahariya. Maritime. Raha. Repos, confort. Wasail. Les moyens. Mawal Mufrad. Wasila. Wasila. Wasila. Kana yakunu. Être. Il est. Il était. Yakunu. Quand on dit kana yakunu, dit être. L'origine du verbe. طيب. Ça me dit maintenant si là. أولاً كيف كان الإنسان يسافر قديماً. Écris le réponse. كان يسافر من بلاد إلى بلاد ماشيا على الأقدام أو راكبا على ظهور الحيوانات. حيوانات. حيوانات. طيب. جاك في الختيم. ثانيا لماذا كانت الرحلة تأخذ وقتا طويلا؟ لأن قديما ما كان وسائل في هذا الوقت حذر. عيد. لأن قديما ما كان لكل أنه لأنه نعم ما كان وسائل عفوا شو بدي ما كانت الوسائل لا وسائل يفي أوفيس دو سوجي on appelle pas sujet en arabe mais il fait office de sujet donc وسائل سأجيب عن العقل donc c'est comme un féminin مفرد donc ما كانت الوسائل الوسائل أيوة Allez. Al-Wasailu. Al-Wasailu. Fi hadha al-waqt. Hadir. Hadir. Il n'y a pas les moyens maintenant. Avant, il n'y avait pas les moyens maintenant. طيب ما كان الوسائل طيب لأنا مثل الآن سلمت يا كم أتشل كم أمامك نعم لأنه لو فقط il vient en voyage le groupe, il est annahu parce que il est annahu j'ai dit il est anna quand il est mal après tu m'as repris tu m'as dit il est annahu et le groupe en fait il revient à la réponse il y en est entièrement. طيب لأنه ما كانت الوسائل مثل الآن ما كانت الوسائل مثل الآن كم متنا ثالثا اذكر وسيلة من وسائل السفر البرية ووسيلة من وسائل البحرية هات وسيلة وسائل البرية السفر برية هناك طائرة لا فهمت السؤال قال اذكر وسيلة من وسائل السفر البرية دون ام موين فامي السفر موين دو فواياج تيرستر هات واحد برية تيرستر بارية أيوة بارية السيارة طيب والبحرية بحرية هناك سفن السفن طيب ثانيا سل كل كلمات من كلمات مجموعة Alif bi'aksiha min kalimat al-majmu'a ba kama fi an-namudhaj. Donc tu lis pendant là tu joins entre les opposés. Ta'ab raha. Naam. Taqaddam. Ça en fait ils ont déjà fait le même. Naam, ça. Saghirun kabirun. Al-hadir al-madi. As-safar الإقامة سهل صعب طيب الآن سندخل في شيء آخر نعم ثالثا هات مفرد كل كلمات من الكلمات الآتية ظهور ظهر أقدام أو أقدام قديم لا أقدام نعم أقدام رجل لا قدم فقط قدم أيوة حيوانات حيوان نعم ركاب راكب وسيلة بلاد نعم رابعا قديم قدم قدم ما وسائل السفر في بلدك الوسائل فيه هناك طائرة نعم سفن والسفن نعم والقطار نعم السيارة و طيب الحافلات نعم طيب ثانيا أيهما تفضل السفر أو الإقامة ولماذا أفضل أفضل الإقامة لأن فيه ليس تعبا لأنه فيه ليس تعب لا له يعني toute la phrase طيب ça c'est bien après ça non du nahou ça ou c'est quoi? C'est du tarbir. Ouais, je peux pas te dire un nom. Un truc comme ça, Tu le sais maintenant. Falifan. Ayyuhuma aktharu mut'atan. As-safaru bis-safina. On a changé nous. Bis-sayyara ou bil-daraja. Ou limada. Bis-sayyarat. بالسيارات أكثر متعة لأنه هناك الراحة فيه الراحة فيها سيارة نعم فيها الراحة طيب طيب الآن سندخل في الوحدة الرابعة كتخيم نتي الموضوع الثالث تقدم تم بعنوان في مكتب البريد ومكتب البرقية طيب على بوست مكتب البريد سي لا بوست ومكتب البرقية سي لا يعني لا لو تقول التليجرام برقية سي تليجرام دي كولوجي سيكستو بلوس اش كرو سي كوا سي تروك هكا تبي لا ماشي تستوب كتا ستوب Je n'ai jamais utilisé. Peut-être dans d'autres pays, en tout cas en France, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de barquille. Allez, d'ers d'ers le hadi achar, onzième. Fittariq, il est maqtab al-barid, donc sur le chemin vers la poste. Tariq, c'est la route, chemin. Il a mis le barid vers la poste. Tariq, le kélimat, j'ai dit attention, là, c'est encadré, il est foncé. On va mal voir. Ra'a yara. Ça, c'est voir. La fial, voilà, voir. Mektab el barid, mektab el barid, on a dit, c'est la poste. Sundouk ou le barid, boîte aux lettres. Sundouk, à la base, c'est une boîte. Le barid, ça vient à la poste, donc il veut dire par là une boîte aux lettres. Sundouk. C'est une boîte, hein? Non. Sundouk, c'est une boîte. Le barid, le moussadjal, c'est le courrier. À la base, le moussadjal serait enregistré. Mais oui, je veux le dire, je pense, par avec accusé de réception. Il y a une lettre qui est enregistrée et quand elle est arrivée, on t'informe qu'elle est arrivée. C'est ça qu'il veut dire. Mais à la base, El Moussadjal, c'est enregistré. En dessous, t'as l'Abissa et El Bessou. Oui, El Bessou. Non. Blabissa et Albasso, qui veut dire s'habiller, être habillé d'eux. Al-Barid Al-Aadi, c'est la poste normale, c'est-à-dire sans accusé de réception. Aadi, tu te rappelles, tu m'avais demandé, c'est normal. Aadi, c'est comme ça. Al-Aadi. Admanou. Là, c'est un ism tafdil qui veut dire plus sûr. Admanou qui veut dire plus sûr. À la base, c'est Adaman, c'est une garantie. Chose comme ça. Et lui, ce qu'il veut dire par là, c'est plus sûr. Plus garant, plus sécurisé. Et quand tu dis je suis sûr de cette chose, c'est pas ça? Là, c'est un autre. Là, c'est pas sûreté de la sécurité. Là, ça vient de la certitude. C'est sécurité en fait, sûr. Ouais, c'est plus sûr. Karib, Arsul Marlouf, il approche. Barqiya, on a dit c'était télégramme. Usra, c'est la famille.

Pareil. Sabian, Antudna, Turidda, Antursilna, Balkiyatan. Alors celui-là, comme on a dit, ça s'appelle Nun Andiswa. Le Nun que tu vois là, Turidna, Wayursilna, lui c'est un Damir, celui-là. On ne peut pas l'enlever. Donc le verbe, en apparence, il ne change pas. On dit qu'il est même ni. On dit qu'il est même ni. C'est-à-dire qu'il est. Qu'il reste sur ce quoi il est. Il est construit, il est achevé, on ne peut pas le changer. Un variable en fait. Non. Ils disent comme ça, variable, non. Faminan, huwa yuridu an yursila balqiyatan. Tasi'an, hiya turidu an tursila balqiyatan. عاشرا هما يريدان ان يرسلا برقيه هم يريدون ان يرسلوا برقيه ثاني عشر هن يريد ان يرسلن برقيه عند question regarde comme les filles يريدن اماجهة القلم يريدوا طيب هكذا على وزن ايش يريدوا سي كو سون سا ميزور على فعل يريدوا على اي وزن يفعلوا لا يفعلوا يو لو الفا يفعلوا لا يفعل لو فا سي كيل لتر ici ايوه لو عين سي كيل لتر C'est Alif, c'est le Ya. Ah hein? C'est le Ya. C'est le Ya. Et le Lem, c'est quelle lettre? Il y a la Waz. Yufailo. Yufailo. Là, la Waz, Yufialo. Yuridu. À la Waz, Yufialo. Là, le ya, c'est quoi ce harakat? Il n'en a pas. Il est sakin. Donc maintenant, si on veut ajouter nous n'y soit. Nous n'y soit. Voilà ça. Il est obligé de prendre soukoun devant. Ouais. On a quoi maintenant qui se passe? Deux soukoun. Deux soukoun. Donc on fait quoi? On va le ya. Yuridda. Yuridda. Le ya est enlevé à cause de, du del qui apprend le soukoun parce qu'il y a le doute qui vient derrière. C'est pour ça que tu vois, il écrit sans ya là. Yaji et Tika Sakinein à cause de la rencontre de deux lettres Sakin. Il est en haut et en bas. C'est ça, elle t'a. Quand tu parles, tu penses à tout ça, toi? Ou c'est... Tu penses, toi, à ça? J'ai rien dit. Tu te dis dans ta tête avant de dire un mot. Ah oui, donc là, il y a tout soukoun et tout. Faut que je fasse ça. Ça va devenir automatique, Inch'Allah. Mais surtout, ça se voit quand tu écris. Quand tu penses, ça se voit pas trop. Et quand tu vas écrire, ça va se voir. ثانيا أكمل الجمل الآتية كما في النموذج النموذج يقول أنا ensuite il y a un trou أن أرسل برقية entre parenthèses يريد donc toi tu fais tourner le verbe à la forme de أنا أنا أريد أن أرسل برقية et c'est tous avec le même verbe de toute façon يريد يريد يريد يريد تمام الجمل الأولى عندك أنا أريد أن أستلم أن أستلم. En fait, quand tu fais la liaison, tu mets une fatha. أنا أنا أريد أن أستلم رسالة. Ou plutôt, non, il n'y a pas de liaison, ce qui fait qu'ils n'ont pas mis le Hamza en fait. Ouais, c'est un Hamza, moi ils l'ont pas mis, ouais. Non, on dirait le mardi, on dirait. Non, je vais recevoir une lettre. Ou réceptionner une lettre. Fin Yen. Nous voulons lire, un journal. ثالثا انت تريد ان تكتب درسا tu veux écrire un cours. رابعا هو يريد ان يقابل مدرسا نعم il veut rencontrer un professeur un enseignant. خامسا هي تريد ان تشاهد منظرا elle veut contempler un paysage. سادسا هنا هنا سيدي كم ينفع هنا يريدنا أن نحجزنا مكانا نعم ال au pluriel veulent réserver une place. ثالثا maintenant il va venir avec quoi ce qu'on a appris dans le système de Waradid. C'est quand il y a un dhamir qui est attaché au verbe. Comme Alif Alistain. Le Alif s'appelle Alif Alistain. Le Waw s'appelle Waw Jama'a. Et l'Yay s'appelle Yam Mukhataba. Comment on fait maintenant avec le N quand il vient devant. Comment on vient de prendre là dans la lecture. Akmil Jumel Atiata Kamafin Namouzaj. Namouzaj Yakul. Anti, ensuite un trou. Antur Sili Risalatan. Donc en fait c'est anti turidina an tursili risalatan. طيب الجمله الاولى انت تتناولين طعاما. نعم. على بعض تتناولين من لازم النون. Ça c'est le signe du nasb. على بعض النصب به حرف النون. Le signe du nasb c'est qu'on enlève le nun. Qui à la base, lui, est un signe de rafa. Et comme là, le fil n'est plus marfou, il est devenu mansoub, on enlève sa marque de raf, on met sa marque de nasb. En fait, ce serait tatanawalina. À la base, si tout seul, c'était marfou, on dirait comme ça. Et c'est toujours comme ça. Par exemple, le premier verbe, ça dépend de ce qu'on veut dire. Là, le premier verbe, c'est tulidina. Mais après, c'est pas forcément que ça soit tursili. Non, ça si, peut, si. Ça peut être ursila. Ça dépend de ce que tu as derrière. Ah, ouais. Là, c'est un an, ce qu'on a derrière, avec N. Donc là, on prend la règle avec N. T'as dit Antuma, Fadol. Antuma, Yurid. Là, Antuma, c'est Mukhatab, vous. Là, un Touma, deux personnes. Turidani. Un Touma, Turidani, un Tashraba, Asir. Vous voulez tous les deux boire du jus. Farithan. Vous voulez manger un fruit. Rabian, Huma, eux deux. Huma, Yuridani, en yuqabila tabiban. Ils veulent tous les deux rencontrer un médecin. Khamisan, Hum. Hum, Yuriduna, en yushahidu mandaran. Ils veulent contempler un paysage. Saadisan, Anti. Anti, Turidani, Anti, Turidina. Naam. Non. Tu veux envoyer une lettre et une femme. Donc là maintenant il va vous donner juste quoi le damir et c'est à vous de faire la phrase. Yaqul ana uridu an ursila risala. Entre parenthèses antum antum turiduna an tursilu risala. Vous faites toutes les phrases de vous-même. جيت ولا دبتو دمير تمام هذا في البيت si vous mettez la même phrase mais on va changer la phrase non tu vas mettre à la place de uridu an ursila risala uridu an ahfaz al qur'ana uridu an ahfaz al qur'an طيب خامسا استمع وردد écoute et répète là il te dit hayya comme on a pris qui veut dire c'est un mot qui incite à quelque chose et là nous on traduira par aller. Donc il dit Haya Nadhab Ma'an. Là le verbe va prendre le sukun après Haya. Ma'an, ça veut dire quoi? Ensemble. Là le verbe est de majzoum comme on dit, mais ça c'est un autre truc qui viendra plus tard. Ça toi juste, Aïwa, ouais, Nadhab. La Nadhab. Non, mais Ma'an. Là. Ma'an. C'est pas un fiel. Là, c'est pas un fiel. Donc toi juste, ça prend par cœur, après la Haya, si le verbe il vient, tu mets le sukun. Dans ce qui met une soukoune, et tu as d'autres choses qui peuvent venir. Haya nadhab ma'an. Allez, on y va ensemble. Fanyen, haya narjizu ma'an. Allez, on réserve ensemble. Naam. Fanyen, haya nusafiru ma'an. Allez, on voyage ensemble. Parce que tu dis nusafiru. Là, tu mets le soukoune. Oh, généralement les gens ne prononcent pas. Rabian, Haya Narjiu Ma'an. Allez, on revient ensemble. Haya Nalabu Ma'an. Allez, on joue ensemble. Sadisan, Haya Nakraou Ma'an. Allez, on lit ensemble. Fais lui signe de. فهم؟ طيب سادسا املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات المناسبة المناسبة بما يلي donc il dit remplis les trous dans les phrases suivantes avec les mots qui correspondent on a قريب on a يلبس qui veut dire se revêtir habillé أضمن qui veut dire plus sûr يرى qui veut dire il voit ماشيا qui veut dire en marchant. Première phrase, Yuridu al-ibn an trou walida. Donc le fils voudrait, entre parenthèses, quelque chose, walida c'est son père. Al-walid c'est le père. Thanyan, Yuridu al-amilu an summa le trou malabisa. Donc l'employé veut, le trou, ses vêtements. Thalithan, al-barid musajjal trou. Min al-baridi al-adi. Donc le courrier enregistré, le trou, que le courrier normal. Rabian, sunduk al-barid, trou, min huna. Donc la boîte aux lettres, trou, d'ici. Khamisan, wasala al-muwazzafu al-maktab al-barid, le trou, ala al-aqdam. Que l'employé de la poste ou l'employé est arrivé à la poste, le trou, sur ses pieds ou avec ses pieds. Donc là, vous mettez les mots, inshallah, à Zali Radin. Voilà, Sahel. Nous voici maha du Ikra. Stakra en Kalba, maintenant. Kabala. قابل إبراهيم صديقه سليما في الطريق. Donc Ibrahim a rencontré son ami Salim en chemin. سأل إبراهيم سليما إلى أين هو ذاهب. Donc Ibrahim a interrogé Salim où se rend-il.